Je te la dédie. Oui, c'est pour toi, Cathy. Pour toi, pour moi, pour nous. Tu nous as quittés, on t'oubliera jamais. Que ce soit eux, que ce soit moi. Je te remercie pour tout ce que tu m'as dit. Merci Cathy, merci. J'arrêterai pas de penser à notre cher code CC. On s'était dit pour toujours lier CC, CC. Reçois cette musique, elle est fantastique. Elle est fantastique, elle est magnifique, tout comme toi Cathy. Mes dernières pensées resteront pour toi. Cathy, reçois cette musique. Chut. Toi t'es là-haut et moi je suis en bas. Mais je sais que nos cœurs seront toujours liés. Être dans tes bras, avec toi, et oui, avec toi, c'était si beau, c'était si bien. Tu écoutais tout ce que je te racontais, mais j'espère que ce soir tu m'écoutes, car c'est pour toi. Te quiero, c'est.